enlevé le piano. Putain, merde, j'arrive pas à le caler. Ça vient. 1, 2, 3, 4. C'est bon. juste le truc à faire, attends. Je prends le rythme de la fin.